Eriko Douimana. Bonsoir à vous tous, Eriko Douimana sur la mise en onde de ce journal dont voici les grands titres. Le gouvernement du Burundi, à travers son ministre des Droits de l'Homme, rejette le rapport présenté ce mardi à Genève par le président de la commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Dodo Dienk a, dans son exposé oral, déploré la récente fermeture de la représentation du commissariat des droits de l'homme au Burundi. Les détails, c'est dès le début de ce journal. Et la ministre de l'Éducation a déclaré ce mardi que les points offerts gratuitement aux élèves font partie des causes de violences basées sur le genre. Elle s'exprimait ce mardi à l'occasion du lancement par Care Burundi d'une campagne de lutte contre les violences basées sur le genre à Mugongo-Manga. C'est dans la province de Bujumbura. Et dans la série de présentation des projets de société, nous vous présentons aujourd'hui le parti Uprona qui, dans son projet, envisage le développement et le rétablissement du réseau industriel au Burundi. Et puis cet élève de l'école fondamentale à Kamouri en province, Kirundo, sont dans la main de la police pour gribouillage du portrait du président de la République. Notre correspondante nous en parlera. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, la commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi a présenté son rapport oral ce mardi devant la commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en Suisse. Ce rapport, présenté par le président de cette commission, Dodo Dieng, fait état de plusieurs cas de violation des droits de l'homme au Burundi et cet expert en droits de l'homme a déploré la récente fermeture du Haut Commissariat des droits de l'homme au Burundi. On fait le point avec Oban Niyonkuru. Selon cette commission, cette fermeture intervient alors que les mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme ne sont pas en mesure de protéger et promouvoir les droits fondamentaux de manière effective. Elle demande au gouvernement du Burundi de partager avec la même commission des informations sur les mesures prises pour garantir l'indépendance objective de ces institutions et sur le résultat de leur travail. Ce rapport s'inquiète aussi de ce qu'il qualifie de rétrécissement continuel de l'espace démocratique qui a touché les organisations non gouvernementales, les défenseurs des droits de l'homme et les médias indépendants burundais. Cela est d'autant plus préoccupant que ça s'inscrit dans la perspective des élections de 2020, lit-on dans un communiqué à la presse sorti par cette commission. Selon cette dernière, la situation précaire d'une grande partie des ménages burundais ne les empêche pas d'être soumis régulièrement à des contributions obligatoires et d'autres volontaires afin de financer les élections de 2020. Cette commission indique qu'il constate avec regret la politique de non-coopération du gouvernement burundais avec la plupart des mécanismes indépendants relatifs aux droits de l'homme. Dodo Dieng a terminé ses propos en demandant au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à continuer à observer avec la plus grande vigilance le processus électoral en cours. Merci Aubin, je vous l'avais dit, le gouvernement burundais s'inscrit en faux contre le rapport présenté par le représentant de la Commission des droits de l'homme, Dodo Dieng. Le ministre des droits de l'homme, Martin Ntivyabandi, indique que ce genre de rapports sont toujours mensongers. Suivez-le. C'est un rapport qui n'est pas nouveau. C'est un rapport qui présente des griefs à l'endroit des autorités burundaises, qui n'a un seul objectif que ternir l'image de notre pays. Mais c'est un rapport aussi dont vous voyez que les membres cherchent encore un autre mandat. À un certain moment, nous nous disons que c'est un rapport politique. Et c'est un rapport qui a été commandité. Et c'est un rapport qui ne contredit pas la décision que le gouvernement du Burundi a pris de ne pas laisser entrer et ces soi-disant experts et dans notre pays, puisque l'objectif avait été déjà dressé à l'avance. Et ça ne nous étonne pas, nous allons continuer à expliquer à toutes les personnalités de ce monde la situation, la vraie situation dans notre pays. Et déjà, avec de février à mars, il y avait une session des droits de l'homme, segment de haut niveau, où le gouvernement a eu le temps d'expliquer et les avancées significatives. Ce que nous recevons, ce sont des encouragements de la part des personnalités rencontrées, à l'occurrence l'ONU, et qui nous encourage à continuer à mettre en œuvre le plan national de développement. Et nous avons montré à la face du monde qu'il fallait qu'on mette fin aux travaux de cette commission nuisible pour la paix, pour la démocratie et pour la défense des droits du Conseil des droits de l'homme. Martin Ivyavandi, c'est le ministre burundais des droits de l'homme. Et la Commission électorale nationale indépendante demande aux membres de la société civile, aux médias et aux confessions religieuses de contribuer aux préparatifs des prochaines élections par le renforcement de la culture démocratique au peuple burundais. À la clôture d'un atelier de deux jours à l'endroit de ces acteurs sociaux, Pierre Claver Kazihissé, président de la CENI, a invité ces derniers à utiliser une communication non violente. On l'écoute. D'abord, il faut qu'ils soient capables de comprendre l'importance des sujets abordés. C'est d'une importance capitale, parce que la démocratie, ce n'est pas sûr que tout le monde comprend en même temps ce que ça veut dire. Et surtout, ce qui compose, n'est-ce pas, apparaître dans la vie de tous les jours. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement les élections, non. La démocratie, c'est d'abord comment nous nous vivons entre nous. Et ensuite, ce que nous vivons, c'est ça que nous allons, n'est-ce pas, transporter lorsque nous allons aux urnes. C'est-à-dire, il faut pouvoir vivre, n'est-ce pas, en frère, il faut pouvoir vivre en sachant que l'autre a des droits. Il faut savoir que, n'est-ce pas, nous avons des libertés, vous savez. Les élections, ça devient peut-être une application de ce que nous vivons déjà. Ça veut dire comprendre d'abord l'importance des sujets, l'importance de la démocratie, l'importance de la communication non violente, parce qu'effectivement, la plupart des fois, les conflits qui apparaissent, les violences qui apparaissent, proviennent d'une communication qui n'est pas du tout adaptée. C'est très difficile d'enseigner à quelqu'un d'autre une chose alors qu'on applique autre chose. Vous savez, si les médias adopte une communication non violente. Si la société civile adopte une communication non violente, cela va aussi se répandre. Cela va continuer au niveau de la population générale. Cela va pouvoir arriver à toute la population entière et pouvoir vivre de cette manière-là. Pierre Claver Kazihissé, président de la Commission électorale nationale indépendante. Et dans la série de présentations des projets de société des partis politiques, le parti prenant dans son projet envisage le développement et le rétablissement du secteur industriel au Burundi. Abel Gachatsi, président de ce parti, promet également la réorganisation des domaines de l'agriculture et de l'élevage qui devraient être révisés pour lutter contre le chômage. Il dit également que les ressources énergétiques doivent augmenter pour atteindre le développement durable. Je vous propose de le suivre. Au sein du parti prenant, un parti historique, un parti qui a donné l'indépendance à notre pays, on doit avoir un projet de société à soumettre aux électeurs, à nos militants. Donc le projet du parti prenant est en cours d'élaboration. Mais concernant les points principaux que nous allons mettre dans ce projet, du prenant, c'est un parti qui voit la situation actuelle, les conditions de vie de la population burundaise. Donc, on ne peut pas prévoir un projet de société au Burundi sans toucher le volet pauvreté, le volet économie. Donc, on voit que pour le moment, l'économie de la population burundaise n'est pas au bon fixe. Donc, c'est pourquoi nous allons nous atteler au développement de notre pays. Et surtout, vous voyez qu'il y a un problème de chômage, il y a un manque d'emploi qui est là. Donc, il prendra compte et renforcer l'économie, surtout dans la réouverture des industries fermées. À l'époque de Iprona, on avait des industries comme Lovenco, comme Verundi. Pour le moment, ce sont des industries fermées et l'Iprona va les ouvrir pour l'intérêt de la population burundaise, pour l'intérêt du pays. Autre chose, nous allons développer la villagisation du pays. Donc les populations burundaises sont pour le moment éparpillés sur les collines. Nous allons essayer de les regrouper, de les mettre ensemble et développer le secteur énergétique. Car un pays ne peut pas penser au développement sans énergie. Donc nous allons renforcer le secteur de l'énergie et dans ce cas, il y aura ouverture des petites industries, des usines de transformation et de là, nous allons renforcer le développement de l'agriculture et la culture qui seront obtenues à partir de cette agriculture, les récoltes seront traitées dans cette usine et de là, la population burundaise aura de quoi consommer et de quoi vendre. Autre chose, nous allons essayer de renforcer la diplomatie, les bonnes relations avec le monde extérieur, surtout les pays voisins. Cela va quand même